Chapitre 30, page 209, exercice 5. 1. D'après ce que j'ai compris, ces deux hommes politiques, qui se détestent, se parlent à nouveau pour envisager une alliance tactique en vue des prochaines élections. 2. Cet homme politique n'est pas né de la dernière pluie. Il est en place depuis 30 ans. Il sait tout et connaît tout. 3. La ministre étant accusée par la presse de malversation, le Premier ministre lui a demandé de renoncer immédiatement à son poste. 4. La journaliste est en train de parler à tous les témoins pour essayer de mieux comprendre la situation.